إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على نعمه وعلى فضله، كما نسأله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد لما يحبه ويرضاه. Nous louons notre Seigneur subhanahu wa ta'ala d'une pleine louange pour ses bienfaits innombrables qu'il nous a accordés et qu'il ne cesse de nous accorder subhanahu wa ta'ala. Parmi cela, les bienfaits de la science ainsi que son étude. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset: dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Certes, ne s'en rappellent que les gens doués d'intelligence. Surat Az-Zumar, verset numéro 9. La réponse à cette question, bien évidemment, non. Ils ne sont pas égaux ceux qui connaissent leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, sa religion qu'il leur a légiféré, ainsi que sa rétribution, ainsi que tout ce que cela contient comme secret et sagesse. Ceux-là ne sont certes pas égaux à ceux qui ne connaissent rien de cela, comme le citent les gens de science. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour débuter par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala une série de cours sur l'explication d'un parmi les nombreux épîtres du noble savant Al-Imam Yahya ibn Sharaf Al-Nawawi rahimahullah, intitulé Les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Avant de commencer, nous allons citer certaines paroles des gens de science venant montrer la grande place scientifique de l'auteur, rahimahullah, ainsi que l'importance et les profits à tirer de l'étude de ce livre, Les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Le noble savant, le shaykh, Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah nous dit à propos de l'auteur: certes, le hafir al-Nawawi. Le mot hafir est utilisé pour désigner un grand savant ayant appris une énorme quantité de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous dit rahimahullah: certes, le hafir al-Nawawi fait partie des adeptes de l'école de jurisprudence des Shafi'ites, dont les paroles sont prises en compte. Et il fait partie des Shafi'ites les plus ardents dans la compilation du livre. Il a certes compilé des livres dans diverses sciences, comme la science du hadith et ce qui s'y rattache. Il a aussi écrit dans la science de la langue arabe. Puis il nous dit, rahimahullah, et il est en réalité l'une des personnes les plus savantes, et il semble aussi, et Allah est le plus savant, qu'il est une des personnes les plus sincères dans la compilation d'ouvrages. Car ces ouvrages qu'Allah lui fasse miséricorde, sont répandues dans tout le monde islamique. On ne peut presque voir aucune mosquée sans que ne soit lu dans celle-ci son livre, Les Jardins des Vertus, Riyad al-Salihin. Et ces livres sont célèbres et répandus dans le monde. Et cela fait partie de ce qui prouve sa bonne intention. Car le fait que les gens acceptent et donnent de l'importance à ces ouvrages fait partie des preuves de la sincérité de son intention. Puis il nous dit, rahimahullah, et il est, qu'Allah lui fasse miséricorde, un mujtahid, c'est-à-dire un savant faisant des efforts pour arriver à la compréhension du sens des textes. Et le mujtahid peut avoir juste comme il peut se tromper. Et il s'est certes trompé dans les sujets concernant les noms et attributs d'Allah, car il les interprétait par autre que leur sens apparent, sans les renier. Comme par exemple la parole d'Allah, le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Les gens du Ta'wil, ceux qui interprètent les versets par autre que leur sens apparent, sans preuve, disent Istawa veut dire Istawla. S'établir sur le trône veut dire s'emparer du trône. Il ne renie pas le mot Istawa, car sinon cela reviendrait à démentir le Coran et il serait alors tombé dans la mécréance. Ils affirment donc le mot Istawa, mais en lui donnant un autre sens que son sens apparent. Ici, le sens Istawla, qui veut dire s'emparer. Puis il nous dit, Rahimahullah, et ces sujets dans lesquels il s'est trompé, qu'Allah nous fasse miséricorde, comme la mauvaise interprétation de certains textes concernant les noms et attributs d'Allah, sont submergés, sont dépassés par ce qu'il possède comme mérite et nombreux profits. Et nous n'avons d'autre pensée, si ce n'est le fait que ce qu'il a pu faire comme erreur provient d'un effort de compréhension et d'interprétation qu'il pensait être permis. Et j'espère que cela fera partie des erreurs qui lui seront pardonnées, et que ce qu'il a pu avancer comme bien et profit pour les musulmans fera partie des œuvres récompensées, et qu'il puisse entrer dans la parole d'Allah qui nous dit, certes, les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Puis il nous dit plus loin, rahimahullah, et il a certes compilé beaucoup de livres, et il fait partie des meilleurs d'entre eux, les 40 hadiths de Nawawi, qui ne sont en réalité pas 40, mais 42. Mais les Arabes ont pour habitude d'effacer ce qui dépasse les dizaines. Ils disent par exemple 40, même si cela dépasse d'un ou deux, ou est inférieur d'un ou deux. Puis il finit, rahimahullah, en disant, et il incombe à l'étudiant en sciences d'apprendre ces 40 hadiths, car ils ont été choisis parmi plusieurs ahadiths dans différents chapitres de la science, contrairement à d'autres épîtres, comme par exemple le livre Umdatul Ahkam, qui est un livre de jurisprudence. Comme par exemple le livre Umdatul Ahkam, qui contient des hadiths choisis, compilés, mais dans un seul chapitre de la science, qui est la jurisprudence. Alors que les 40 hadiths de Nawawi traitent différents chapitres de la science. Et le noble savant, le Cheikh Salih ibn Salih al-Fawzan, rahimahullah, nous dit à propos de l'auteur, Al-Imam al-Nawawi était un immense guide, un immense imam, qui était spécialisé dans plusieurs domaines de la science. Il était spécialiste dans la science du hadith, la science du fiqh et la langue arabe. Et ses livres, ses ouvrages, ont eu une grande acceptation auprès des musulmans. Et cela, et Allah est plus savant par la cause de sa bonne intention et de sa sincérité envers Allah. Et ces livres ont eu un immense impact, parmi ceux-là, les 40 hadiths, et aussi son livre, Les Jardins des Vertus, et aussi l'explication de l'authentique de l'imam musulman. Et il a aussi des épîtres reconnues dans le madhhab al-Shafi'i, puis il nous dit, c'est un noble imam. Et Allah a donné l'acceptation de ces livres, et les musulmans en ont profité, et ils ne cessent d'y revenir et de les prendre pour base pour ce qu'ils contiennent comme science abondante, immense mérite et perfection. Qu'Allah lui fasse donc miséricorde en tant que noble imam. Donc voici certaines paroles de gens de science, parmi d'autres, concernant le haut rang de cet imam, rahimahullah, et le profit immense dont Allah a fait qu'il soit la cause pour les musulmans. Puis, nous allons finir avec des propos de l'auteur lui-même, venant montrer certains mérites de cette épître. Il nous dit, rahimahullah, après avoir cité un hadith rapporté par plusieurs chaînes de transmission, dans lequel il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque garde pour ma communauté 40 hadiths concernant la religion sera ressuscité par Allah dans le groupe des jurisconsultes et des savants. » Fi zumratil fuqaha wal ulama. Et dans une version de Abu Darda, il est dit donc, quiconque garde pour ma communauté 40 hadiths qui concernent la religion, je serai pour lui un intercesseur et un témoin le jour du jugement. Et dans une version de Ibn Omar, il lui sera dit, entre au paradis de la porte que tu souhaites. Et dans une variante de Ibn Omar, il sera inscrit dans le groupe des savants et celui des martyrs. Il sera inscrit dans le groupe des savants et celui des martyrs. Puis il dit, rahimahullah, et les savants du hadith sont unanimes quant au fait que ce hadith soit faible. Et cela, même s'il a été rapporté par beaucoup de chaînes de transmission. Et il y a un très grand nombre de savants qui ont compilé des livres à ce sujet. Donc ce hadith n'est pas authentique, même s'il a été rapporté par beaucoup de chaînes de transmission. Puis il nous dit qu'un grand nombre de savants ont compilé 40 hadiths dans les sciences religieuses en se basant sur ce hadith. Puis il nous dit, après avoir cité certains de ces grands savants qui ont compilé des livres contenant 40 hadiths, il nous dit « Et j'ai certes consulté Allah quant au fait de réunir 40 hadiths, en prenant exemple sur ces grands savants, ces guides, ces repères, ces protecteurs de l'islam. Et les savants sont unanimes quant au fait qu'il soit permis d'œuvrer avec un hadith faible lorsque cela est dans les œuvres méritoires. Mais malgré cela, je ne me suis pas basé sur ce hadith, mais sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans le hadith authentique que celui qui est présent transmette à celui qui est absent. Et sa parole sallallahu alayhi wa sallam qui a dit qu'Allah embellisse une personne qui a entendu ma parole, puis l'a compris et la transmet comme il l'a entendu. Donc l'auteur ici, rahimahullah, nous cite qu'un grand nombre de savants ont compilé avant lui 40 hadiths en se basant sur ces hadiths qui ont été rapportés par beaucoup de chaînes de transmission, mais qui ne sont pas authentiques. Mais que lui, rahimahullah, ne s'est pas basé sur cela, mais sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui est présent transmette à celui qui est absent, et sa parole sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah embellisse une personne qui a entendu ma parole, puis l'a compris et la transmet comme il l'a entendu. Puis il nous dit, rahimahullah, et parmi les savants, certains ont réuni des hadiths dans les fondements de la religion, et certains dans les branches, certains dans le djihad, certains dans le zuhd, l'ascétisme, certains dans les règles de bienséance, l'adab, et certains dans les sermons et discours. Et tout cela sont de bonnes choses voulues, qu'Allah soit agréé d'eux. Et j'ai certes voulu réunir plus important que tout cela, ce qui est 40 ahadiths qui englobent tout cela. Donc 40 ahadiths qui ne seront pas dans une science particulière, mais qui toucheront diverses parties de la science. Puis il nous dit, rahimahullah, et chacun de ces hadiths est une règle parmi les règles de la religion. Cela fait partie des mérites de ce livre. Car chacun des ahadiths que l'auteur, rahimahullah, va citer fait partie des ahadiths qui sont une base et une règle dans la religion. Puis il nous dit, et certes, les savants ont décrit chacun de ces hadiths comme étant un hadith autour duquel repose l'islam, ou bien qu'il est la moitié de l'islam, ou bien son tiers, ou ce qui y ressemble. Puis je me suis engagé à ce que chacun de ces hadiths soit authentique, et la majorité d'entre eux se trouve dans l'authentique de l'imam al-Bukhari et Muslim. Et je les ai cités en supprimant les chaînes de transmission pour faciliter leur apprentissage et que s'étendent leurs profits, Inch'Allah. Puis il finit, rahimahullah, par sa parole, Et il incombe à quiconque aspire en l'au-delà de connaître ces hadiths pour ce qu'ils contiennent comme sujet important et comme incitation à tout acte d'obéissance. Et cela est apparent pour quiconque médite cela. Intaha kalamuhu rahimahullah. Donc, à travers cela, nous voyons, bihamdillah, le haut rang qu'avait l'imam al-Nawawi rahimahullah dans la science et certains mérites de son épître qui est al-Arba'in al-Nawawiyya. Parmi cela, le fait que l'auteur rahimahullah s'est engagé à ce que ces hadiths soient tous authentiques, puis que ces hadiths soient tous des bases dans les sciences de la religion. Comme nous allons le voir, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Ensuite, il passe au premier des hadiths que nous allons voir, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, dans notre prochain cours. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de par sa grâce, comme il nous a réunis aujourd'hui, de nous permettre de profiter de cet épître et que cela soit une preuve pour et non contre nous. Et au mal qiyama, le jour où ni bien ni enfant ne sera utile à quiconque, si ce n'est celui qui vient à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.